Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs et bravo d'avoir réalisé un si beau programme au propre comme au figuré. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un terrain et d'une thématique de recherche qui sont assez récents pour moi et qui sont encore très peu connus parce qu'il s'agit d'un phénomène qui ne correspond pas aux caractéristiques les plus courantes du travail précaire. Parce que comme l'indique Nick Srnicek, le capitalisme de plateforme repose sur la sous-traitance du travail non qualifié sous-payé. Or, dans le cas qui m'intéresse, il s'agit au contraire de travail surqualifié, comme c'était le cas à l'instant. C'est la première fois que je présente ces travaux à des spécialistes de la question. Ce faisant, je sors de ma zone de confort des sciences du langage pour me tourner vers un travail un peu plus sociologique, politique et économique, des domaines qui m'ont toujours intéressée mais dont je ne suis pas du tout spécialiste. Alors, je travaille sur l'activité de correction académique, c'est-à-dire de relecture et de correction, voire de réécriture, de devoirs universitaires, de rapports de stage, de mémoires, de thèses et d'articles scientifiques sous-traités par une plateforme numérique. Il faut que je commence par vous présenter assez précisément le cadre de cette activité pour que vous saisissiez les possibilités et les enjeux d'une quelconque forme de résistance à laquelle je voudrais réfléchir avec vous. Tout d'abord, je dois préciser que j'ai commencé ce terrain malgré moi en tant que correctrice. Les premières années, il ne s'agissait pas d'un terrain de recherche, mais d'un simple gagne-pain. J'étais une précaire de l'université, ce qui, premièrement, ne me permettait pas de vivre, et deuxièmement, me demandait de justifier, pour des raisons administratives de recrutement, d'une activité principale comme moyen officiel de subsistance. J'ai donc été, pendant plusieurs années, chercheuse bénévole, enseignante vacataire à l'université et correctrice indépendante. Enfin, indépendante. Officiellement indépendante, mais en pratique complètement dépendante d'une plateforme que j'ai nommée mon client-employeur. J'ai exercé cette activité d'abord uniquement de correctrice, puis également de formatrice de correcteur pendant quelques années avant de m'y intéresser de manière critique et d'en faire mon terrain de recherche. Un terrain qui se trouve être au croisement de trois grands champs de recherche. En tant que sociolinguiste, j'ai commencé à étudier cette activité de correction sous l'angle le plus évident pour moi, l'angle langagier. Il s'agit alors d'identifier et de questionner les trois conditions que suppose le métier de correctrice académique et a fortiori celui de formatrice, de correcteur, qui sont la connaissance et le respect des normes linguistiques, la connaissance des attentes du milieu universitaire et la capacité à expliquer les raisons pour lesquelles on apporte telle ou telle modification à un texte. La connaissance des attentes en matière formelle, stylistique, mais aussi méthodologique du milieu universitaire explique qu'il était généralement plus aisé pour moi, en tant que recruteuse, formatrice et évaluatrice de correcteurs, de recruter des universitaires et de les former à la correction, plutôt que de recruter des correcteurs professionnels et de les former au style académique. Cela d'autant plus que la correction linguistique et stylistique comprend souvent des services méthodologiques additionnels tels que la vérification de la structure du texte, de la problématique, du plan, de l'argumentation, de la définition des notions, de l'utilisation des références théoriques, etc., etc. Le profil des correcteurs m'a très vite amené à appréhender ce terrain sous un deuxième angle, celui de la sous-traitance linguistique. Les correcteurs avec lesquels je travaillais se répartissaient principalement en deux catégories, les correcteurs voire rédacteurs indépendants qui travaillent également en freelance pour des maisons d'édition ou pour la presse, et les enseignants. C'est peut-être des enseignants du secondaire, précaires comme titulaires, qui souhaitent arrondir leur fin de mois, ou principalement des universitaires, que ce soit comme moi des précaires en attente d'un poste, ou des titulaires inquiets de l'évolution de leur profession et qui espèrent se reconvertir. Lorsque j'étais formatrice de correcteur, les enseignants-chercheurs étaient si nombreux à candidater que certains correcteurs parlaient de mon client-employeur comme étant une succursale de l'université française. Alors, quelle que soit leur situation, tous sont des correcteurs indépendants, qu'ils soient uniquement correcteurs pour ce client-employeur ou qu'ils soient également correcteurs de presse, correcteurs d'édition, rédacteurs web, rédacteurs de compte-rendu, transcripteurs d'entretien ou traducteurs, tous sont des indépendants. De fait, cette situation vient donc inscrire mes recherches dans le champ qui est essentiellement développé par la sociolinguistique critique suisse ou nord-américaine de la sous-traitance linguistique ou de l'externalisation du travail engagé comme forme de marchandisation et d'exploitation néolibérale des ressources langagières. Alors, il est intéressant de remarquer qu'il s'agit ici d'un triple cas de sous-traitance et que celle-ci s'exerce à différents niveaux et échelles. Si d'aussi nombreux étudiants font appel au privé pour recevoir une aide méthodologique pour leur travail universitaire, c'est parce que l'université, néolibéralisée depuis des décennies et désormais paupérisée, n'a plus les moyens de les accompagner suffisamment. Nous observons alors que, tout comme le fait également l'enseignement secondaire en recommandant publiquement des organismes privés de soutien scolaire, l'université sous-traite une partie de son encadrement méthodologique, donc pédagogique, à des organismes privés, c'est-à-dire différentes plateformes numériques de correction et d'aide à la rédaction universitaire qu'elle recommande officiellement, voire avec qui elle développe des partenariats, plateformes que vous pouvez voir à l'écran. Ainsi, l'université externalise deux types d'activités, mais différemment. D'un côté, donc, l'encadrement méthodologique, en recommandant simplement des services extérieurs aux étudiants qui possèdent les ressources financières suffisantes pour pallier les manques d'université, donc c'est le premier type de sous-traitance. De l'autre, l'enseignement, en rémunérant dans ce cas elle-même ses sous-traitants, c'est-à-dire ses enseignants vacataires, c'est le deuxième type de sous-traitance, ce qui contribue à la bénévolisation de l'activité de recherche de ces universitaires précaires. Et les plateformes numériques auxquelles l'université délègue une partie de son encadrement méthodologique, elles-mêmes sous-traitent donc à leur tour, c'est le troisième type de sous-traitance, leur activité de correction et d'aide à la rédaction, à ces mêmes universitaires précaires qui, le plus souvent, décident de travailler pour ces plateformes, précisément parce qu'ils sont déjà, en tant qu'enseignants vacataires, des sous-traitants d'université. Donc, ces indépendants, ou ces précaires, constituent donc une parole d'œuvre, pour reprendre le terme d'Alexandre Duchesne, qui est doublement exploitée pour ses ressources langagières très spécialisées. Il s'agit donc de différents types de sous-traitance, hein, que ce soit linguistique ou méthodologique, pédagogique, qui s'exercent à des niveaux bien différents, mais qui sont intrinsèquement liés et qui répondent à la même logique économique. Enfin, pour comprendre la marchandisation de ces ressources langagières sous la forme d'une sous-traitance linguistique, pour comprendre comment la marchandisation de ces ressources langagières sous la forme d'une sous-traitance linguistique devient un entre-précariat, pour reprendre le terme de Silvio Russo, j'ai commencé à étudier ce terrain sous un troisième angle, celui de l'économie numérique et du capitalisme de plateforme. Et c'est là que je sors complètement de mon champ disciplinaire habituel. Mon ancien client employeur est donc une plateforme numérique basée à Amsterdam, alors a priori pas pour des raisons fiscales, mais simplement parce que ses trois créateurs sont néerlandais. Une plateforme donc qui emploie à son siège quelques dizaines de personnes en ressources humaines, en développement informatique, en marketing, en assistance client et en community management, mais pas en correction. Son cœur de métier est externalisé, il est sous-traité à quelques 800 correcteurs et correctrices à travers le monde qui travaillent principalement en néerlandais, en allemand, en anglais et en français. L'entreprise n'étant donc pas basée en France, le droit du travail français ne s'applique pas, du moins aucun correcteur n'a encore essayé de le faire valoir, et la légalité du statut de la quarantaine de correcteurs et correctrices francophones n'est pas vérifiée. Ceux-ci sont tous en freelance, qu'ils soient auto-entrepreneurs ou simplement des travailleurs non déclarés, et ont officiellement la plateforme pour cliente. Pour la plupart, comme c'était mon cas, elle est le seul client, hein, ce qui en France serait considéré comme du salariat déguisé. Et elle a en pratique un rôle qui est beaucoup plus proche de celui d'un employeur que d'un client, d'où mon appellation de client-employeur. En effet, la plateforme, elle recrute les correcteurs sur la base d'un niveau de qualification très élevé, minimum master, si possible doctorat, et d'un premier test de connaissances linguistiques en ligne. Puis les candidats doivent corriger différents textes selon le modèle imposé, qui est extrêmement précis en matière de style, mais aussi de nombre de modifications à apporter et de commentaires explicatifs, pour espérer rejoindre la communauté des correcteurs auxquels la plateforme pourra faire appel si elle en a besoin. Donc, chaque correcteur sélectionné signe alors un accord de service qui l'engage à se rendre disponible au minimum 10 heures par semaine, mais la plateforme, elle, ne garantit pas du tout de lui fournir du travail, elle s'engage à offrir aucun nombre de commandes ni aucun revenu minimum. Lorsqu'un texte est confié à la plateforme pour être corrigé, un employé du service client le propose à un correcteur en s'appuyant sur un algorithme qui prend en compte le calendrier de disponibilité des correcteurs et leur vitesse de correction et les croise avec la taille du texte et le délai choisi par le client. Le correcteur reçoit alors une notification qui lui indique qu'une mission de correction lui est proposée et en précise le nombre de mots, le délai et le tarif. Tarif qui est donc imposé par la plateforme et en aucun cas calculé, négocié par les correcteurs, pourtant des professionnels indépendants. Donc que les correcteurs soient réellement actifs ou simplement disponibles, le client employeur met à leur disposition un certain nombre de ressources en ligne, un guide d'information comprend des instructions techniques et linguistiques, des astuces, un guide de style académique, une foire aux questions, différents tutoriels et une newsletter bimensuelle, ainsi qu'un forum de discussion. Alors, ce forum est alimenté par la community manager pour faire vivre la communauté des correcteurs, pour créer une forme de solidarité entre eux et avec l'entreprise, et pour les fidéliser. Parce que si le client employeur ne s'engage pas à fournir du travail à ses correcteurs, et parfois n'en donne effectivement pas pendant longtemps, il craint toujours de manquer de main-d'œuvre, ou plutôt de parole d'œuvre, et de devoir refuser des commandes. Et en outre, recruter et former de nouveaux correcteurs est très coûteux en temps et en argent. Or, fidéliser une parole d'œuvre à qui on ne propose pas ou peu de travail est difficile. Le client employeur parvient à le faire grâce à sa communication et à son management bienveillant qui s'exprime à travers la newsletter et les différentes annonces ou sujets de conversation sur le forum. Alors, conçu pour être un outil d'entraide à la correction, ce forum il permet aussi de partager régulièrement avec la communauté des correcteurs des photos et des vidéos de la vie de bureau au siège, comme les fêtes qui sont organisées, les sorties avec la péniche de l'entreprise sur les canaux Amstel de moi, ou les événements caritatifs auxquels les dirigeants participent, et de leur faire connaître le prénom et le visage des responsables des différents départements. Tout cela, manifestement, pour personnaliser, humaniser l'entreprise et éviter qu'elle ne soit, pour les correcteurs, une entité dématérialisée que des anonymes feraient fonctionner dans l'ombre. Ainsi, pendant plusieurs années, le mot « plateforme » était très très rarement utilisé pour désigner mon ancien client employeur, que ce soit par ses dirigeants, par ses salariés ou par les correcteurs. Le client employeur se présentait comme une agence de correction qui recrutait des freelances, au même titre que le font les agences de traduction. Le terme de plateforme n'était utilisé en fait que pour désigner le serveur sur lequel les correcteurs téléchargent les documents à corriger. Et puisque toute idée de dématérialisation de la gestion de l'activité peut conduire ses professionnels et ses utilisateurs à associer l'entreprise à Uber, la personnalisation des dirigeants, des salariés et des correcteurs est extrêmement développée. Pourtant, du point de vue de son fonctionnement, c'est bien une plateforme numérique de correction qui s'inscrit dans la logique du capitalisme de plateforme. Sur la typologie proposée par Carlo Vercellone et Francesco Boncaccio, cette plateforme de correction s'inscrit dans la logique de l'économie à la demande, qui met en relation des clients et des fournisseurs de services, en s'accaparant la valeur ajoutée et en s'appuyant en grande partie sur l'algorithme. De la même manière que l'était le terme de plateforme, celui d'algorithme a longtemps été utilisé le moins possible. Ainsi, quand les salariés des services clients se contentaient d'attribuer les commandes de manière automatique aux correcteurs qui remontent en haut de la liste selon les critères de la commande, sans parler d'algorithme. Par ailleurs, selon Nick Smisek, l'un des enjeux économiques des plateformes numériques consiste à se rendre incontournable pour leurs utilisateurs en leur proposant le plus de services possible et en les en rendant dépendants. Effectivement, mon ancien client employeur a peu à peu développé très nombreux services et outils, dont certains gratuits, qui visent tous à faciliter la réalisation de travaux académiques, comme un service de mise en page, un service de mise en forme des références et de création de bibliographies, un service de vérification des sources, un logiciel anti-plagiat, un logiciel de détection d'intelligence artificielle, et surtout, et c'est l'élément grâce auquel les potentiels clients de correction découvrent le site, un grand nombre de ressources linguistiques et méthodologiques. de comment s'accorde le participe passé à comment rédiger un état de l'art pour une thèse de doctorat. Et ces ressources, elles ont été créées en fonction des requêtes Google pour attirer le plus de monde possible. Elles sont précisément rédigées de sorte que les mots-clés utilisés, les références comme premier résultat de Google, elles sont gratuitement accessibles et elles suggèrent régulièrement à leurs lecteurs de faire appel au service de correcteurs professionnels, je cite, pour avoir leur diplôme. Alors, le phénomène qui m'intéresse s'inscrit donc bien dans une logique de sous-traitance et de capitalisme de plateforme, et il était important de le montrer parce que, je vous disais pour commencer, qu'il s'agit d'un terrain peu connu et d'une activité peu considérée comme du travail de plateforme, principalement parce qu'elle déroge aux critères du travail non qualifié. Mais surtout, c'est un point qui me paraît essentiel, parce qu'elle n'est pas verbalisée et elle n'est pas vécue comme telle par les principaux intéressés, les travailleurs eux-mêmes. Et c'est à partir du moment où ont commencé à émerger des insatisfactions et des motifs de plainte que ces termes ont surgi et que cette réalité a commencé à être appréhendée. Et donc, nommer cet objet « plateforme numérique de correction » et donc « capitalisme de plateforme » constitue déjà une forme de résistance. À partir de la pandémie, la quantité de travail proposée aux correcteurs francophones a drastiquement baissé. Mais en parallèle, la plateforme recrutait massivement des correcteurs francophones, ce qui diminuait d'autant plus le travail pour chacun. Et donc ça a constitué le premier motif de plainte auprès de mon client employeur, qui a finalement décidé d'arrêter le recrutement pour rassurer ses correcteurs disponibles. Mais cet événement a semé chez ses correcteurs un doute sur le bien fondé de l'accord de service qui est lié à la plateforme et peu à peu sur ses pratiques managériales. Le forum est alors devenu l'espace privilégié de questions sur le fonctionnement de l'algorithme de répartition des missions, dont le mot a commencé à être utilisé, et de commentaires sur l'opacité du calcul de la vitesse de correction. Ces évolutions des conditions de production des discours ont alors favorisé la réalisation d'échanges beaucoup plus critiques vis-à-vis de la plateforme. Et c'est d'autant plus que, peu après, deux décisions ont suscité un vif désaccord de la part de la communauté des correcteurs francophones. La première a été la création de l'assignment pool, un système qui permet aux employés du service client de gagner du temps dans l'attribution des missions en ne les confiant plus à un correcteur en particulier, mais en les proposant à l'ensemble des correcteurs, c'est-à-dire au plus rapide à l'accepter. Et donc la mise en concurrence des correcteurs et l'obligation pour eux d'être toujours connectés à la plateforme que ce nouveau système a entraîné ont été largement décriés. Le client employeur a régulièrement, par le biais de sa newsletter et d'annonces sur un forum, expliqué que non, il ne s'agissait pas de les mettre en concurrence, mais de soulager les membres du service client. Mais il a finalement annoncé que le dispositif ne serait plus utilisé sur le marché francophone qu'en dernier recours. La deuxième décision a été celle de remplacer le terme de commande par celui de mission pour désigner le travail que la plateforme propose aux correcteurs. Or, le terme de commande correspondait à la manière dont se conçoivent les correcteurs, parce que des clients passent effectivement des commandes à des professionnels indépendants. En revanche, parler de mission, ça revient à inscrire cette activité dans la logique du capitalisme des plateformes, qui envoie des missions à ses chauffeurs ou à ses livreurs. Évidemment, la direction s'est défendue de tout parallèle avec Uber ou Deliveroo, en expliquant qu'il s'agissait simplement de distinguer la commande que passe un client sur la plateforme des différentes missions dans lesquelles le service client la divise. Par exemple, une mission de correction, une mission de mise en page et une mission de traduction de résumé, les trois étant envoyés à trois professionnels différents. Mais l'activité n'était déjà plus conçue de la même manière et la relation asymétrique qui lie les correcteurs à leur client employeur avait été mise au jour. On va apparaître ici quelques formes de résistance à ce capitalisme de plateforme qui ne disait pas son nom, et c'est précisément pour ça qu'il n'entraînait jusqu'alors pas de résistance. Ou, si ce n'est de résistance, du moins des remises en question, des revendications et un début de subversion. Au vu des petites victoires des correcteurs concernant le recrutement massif ou l'assignment pool, on peut penser que ces correcteurs sont en position de force pour négocier quelques améliorations de leurs conditions de travail, comme l'augmentation des tarifs. Et comme le montrent Francesco Brancaccio et Carlo Barcellone d'après Albert Eichmann, l'exode d'une partie de la main-d'œuvre, qui est la crainte de la plateforme, renforce le pouvoir de négociation de celles qui restent. Or, cet exode repose surtout sur la création d'alternatives à la plateforme. Certes, mon ancien client employeur essaie de fidéliser les correcteurs, mais sans s'engager auprès d'eux. Et elle sait qu'elle ne risque pas de départ massif. Parce que déjà, une grande partie des correcteurs ne sont pas du tout engagés dans une action de revendication. Mais surtout, pour ça, il faudrait développer des alternatives qui soient vraiment aussi efficaces. Or, les plateformes concurrentes, non seulement elles ont le même fonctionnement, mais en plus elles ont beaucoup moins de parts de marché. Donc, pas vraiment de concurrence. Et une réelle alternative ne semble pas viable. Quelques correcteurs ont tenté de créer une plateforme collaborative alternative à notre client employeur, mais ça demande beaucoup trop d'investissement en marketing. Je vous parlais tout à l'heure de tout leur travail de création de ressources et de référencement Google, et il ne serait pas possible de rivaliser. En outre, les correcteurs qui proposent leurs services à la plateforme le font plus souvent pour compléter facilement d'autres activités, enseignement secondaire, enseignement supérieur ou autre travail de rédaction, de correction en freelance. Donc très peu souhaitent s'investir dans la création d'une alternative viable. C'est pourquoi je n'ai pas observé de réelle démarche d'exit, exode pour une alternative, ou de voice, contestation, donc pour reprendre les termes d'Albert Hirschman. En revanche, il me semble qu'on peut parler dans ce cas de deux types de positionnement, l'un entre et l'autre en quelque sorte à côté de ces deux-là, de exit et voice. Alors le premier est une démarche intermédiaire entre l'exit et la voice qui consiste en une forme d'évitement de la plateforme. Rivaliser avec elle et créer une alternative n'étant pas une démarche viable pour les correcteurs, il s'agit d'essayer de se passer le plus possible de la plateforme mais sans la quitter. C'est-à-dire de se passer de son intermédiaire en entrant directement en contact avec les clients. Mon ancien client employeur est en réalité pas une plateforme de mise en relation, mais bien un fournisseur de services dans la mesure où il impose un cadre strict à la réalisation des missions de correction, dont la qualité est régulièrement évaluée. Par ailleurs, elle veille au contraire à ce que les correcteurs et les clients ne soient pas directement en relation. Parce que avoir recours à la plateforme, c'est d'une part simple, puisqu'on n'a pas besoin de connaître des professionnels de la correction, on trouve très rapidement son site internet. Et d'autre part, c'est rassurant, puisqu'elle garantit 100% de satisfaction. La moindre plainte, même injustifiée, donne lieu à un dédommagement, ce que n'aurait pas du tout les moyens de faire des correcteurs indépendants. Mais une fois qu'un client a fait appel à ses services et qu'il a été convaincu par le travail d'un correcteur en particulier, il pourrait se passer de la plateforme, dont la marge financière peut aller jusqu'à 50%. C'est pourquoi le client employeur empêche tout échange direct entre correcteur et client. Et c'est pourquoi de nombreux correcteurs contournent ça, soit en faisant figurer leur nom quelque part en espérant que le client les cherchera directement sur Internet, soit en indiquant innocemment au client directement dans le document de ne surtout pas hésiter à les joindre à telle adresse en cas de question sur leur correction. Et le deuxième positionnement que je qualifierais d'à côté de l'exit et de la voice est en quelque sorte une posture de contestation détournée qui conduit à une forme de subversion. Alors il s'agit moins de contester le système auprès de la hiérarchie, la marge de manœuvre est bien trop réduite au vu de l'extrême asymétrie des rapports, qu'auprès des autres correcteurs, simplement en semant le doute sur le bien fondé du modèle managérial et économique de l'entreprise. Parce que tout l'enjeu de la communication de mon ancien client employeur est d'afficher l'image d'une entreprise humaine, sympathique et bienveillante qui envoie des cartes postales à ses correcteurs pour leur anniversaire. Dans ce contexte, l'attention des dirigeants, qui sont extrêmement méfiants, se porte plus sur les paroles subversives que sur les discours ouvertement revendicatifs auxquels ils peuvent répondre de manière rassurante. Ainsi, à un correcteur qui demandait sur le forum s'il était possible de connaître l'identité des auteurs de textes à corriger ou d'en voir un extrait avant d'accepter une mission, parce qu'en fait, les textes d'étudiants allophones sont considérés comme étant les plus chronophages, donc les moins rentables. Un responsable avait indiqué que ce ne serait pas juste, parce que les mêmes correcteurs devraient alors toujours assumer les missions les plus fatigantes, ce qui ne devrait pas du tout rentrer en compte dans le cadre d'un travail indépendant où les correcteurs n'ont pas de collègues et où ils s'organisent uniquement en fonction de leurs propres contraintes et conditions individuelles. Donc ça revient à créer du collectif et de la solidarité, seulement dans le cadre accepté, voire imposé par la plateforme, mais en rejeter l'élément fondateur qui est le salariat. Donc à cela, le correcteur avait répondu, c'est vrai, après tout, le chauffeur Uber non plus ne sait pas qui il va avoir dans sa voiture. Et ce message a été immédiatement retiré du forum par le dirigeant qui a indiqué qu'il n'était pas acceptable de comparer cette entreprise avec Uber. Donc, on voit que émettre des doutes ou des critiques frontales est empêché avec l'employeur. En revanche, les questions et remarques plus détournées, formulées sur le forum à destination des autres correcteurs, sont possibles et se sont multipliées, notamment depuis que les correcteurs ont pris conscience qu'ils travaillaient pour une plateforme numérique. Enfin, je voudrais terminer en demandant si la réalisation d'un travail de recherche critique sur ce terrain-là, sur ce phénomène socio-économique, ne constitue pas en elle-même une forme de résistance. Peut-on considérer la démarche même comme une résistance à la logique du capitalisme de plateforme, en ce sens qu'elle la remet en question ? Ou bien est-ce que ce sont les effets de notre recherche qui constituent une forme de résistance, dans la mesure où elle fournit peu à peu des outils, des armes à celles et ceux qui souhaiteraient s'en saisir pour résister et construire autre chose, ne serait-ce que parce que nos travaux documentent ces différentes luttes et les légitiment. C'est ainsi que je concevais ma démarche de recherche comme une forme de résistance symbolique, non seulement pour moi, afin de construire du sens dans une situation de précarité qui pour moi n'en avait aucun, mais aussi pour les autres correcteurs qui se trouvaient dans une situation moins enviable que la mienne, qui était correctrice en chef, et dont je souhaitais améliorer les conditions de travail. En fait, je me croyais à ce moment-là en quelque sorte protégée par la plus grande difficulté que mon cri employeur aurait à me remplacer, et j'essayais de profiter de cette position pour faire bouger les lignes. Lorsque j'ai obtenu mon poste universitaire et que de précaire je suis devenue fonctionnaire, en partie grâce à mes travaux sur ce terrain, ce qui constitue pour moi la forme de résistance ultime à l'entreprécariat du capitalisme de plateforme, mais malheureusement individuelle et en aucun cas collective, je pensais que ma position au sein de la communauté des correcteurs serait alors beaucoup plus confortable, puisque désormais matériellement accessoire, mais l'espace d'expression et de subversion que j'essayais de construire a conduit à mon licenciement de la plateforme. Donc ça m'a fait perdre mon accès privilégié à ce terrain et ça a montré les limites d'une résistance symbolique qui passerait par la subversion. Donc aujourd'hui, j'espère que c'est de l'extérieur que je peux réussir à opérer une certaine forme de résistance, mais reste encore à en trouver la forme.